Chapitre 26. La véritable fraternité blanche universelle est la dernière prédiction du maître Peter Donov. Pour pouvoir expliquer tout ceci, il va falloir aller assez loin dans les explications et toucher des choses qui sont perturbantes au niveau de la psychologie humaine. Je le sais. Et je sais que pour bon nombre d'entre vous, il sera très difficile d'entendre ce que j'ai à raconter. Pourtant, c'est le travail de tout initié que d'apporter une connaissance qui vous permettra d'éviter certains pièges et de contrôler un peu mieux votre vie et d'aller vers quelque chose qui vous emmène vers la lumière, vers l'amour, vers le pouvoir de vivre et d'exister et de continuer à exister dans ces temps troublés. Car ces temps sont troublés, bien plus que troublés, terriblement troublés. Et notre temps d'aujourd'hui nous emmène vers une catastrophe dont vous ne pouvez pas imaginer la puissance et les conséquences sur votre existence. Sachez que si vous êtes une famille de 7 personnes, dans peu de temps, quelques mois ou quelques années, au lieu de 7, vous serez 4. Puis le jour d'après, au lieu de 4, vous serez 2. Et le jour d'après, vous serez seul. Car avec les connaissances que vous possédez actuellement, vous allez tout droit vers une catastrophe terrible que vous ne pouvez même pas imaginer. Cela fait partie des prédictions du maître Peter Donov et je vais revenir dessus en détail. Vous tenez les tenants et aboutissants pour que vous puissiez véritablement comprendre les choses. Pour cela, il faut déjà essayer de comprendre notre situation actuelle. Et là, évidemment, déjà, je vais choquer énormément de personnes. Car nous allons en même temps vers une terrible situation, d'une terrible guerre, d'une terrible violence, d'un terrible chaos. Mais en même temps, tout est parfait. Vous êtes merveilleux, vous êtes fantastique, vous savez tout, il n'y a rien à vous enseigner. Le monde est parfait, la société est merveilleuse. Voilà où on en est. Et ceci s'est développé en une espèce de pathologie grave. Pour vous donner un exemple, hier j'ai rencontré une dame, une Espagnole, astrophysicienne. Alors évidemment, quand je rencontre une astrophysicienne un peu par hasard, c'est une amie qui l'a invitée là où je suis, bon, on commence à discuter astrophysique, évidemment, je veux dire, c'est normal. Moi, j'ai un cerveau en ébullition qui cherche toujours à poser des questions, à coincer les gens pour voir quelle est leur véritable réponse, à les emmener plus loin dans leur retranchement pour pouvoir soit les aider, soit m'aider moi-même en découvrant des choses que je ne connais pas. Mais je ne vais pas discuter, to socialize, on dit en anglais, c'est socialiser, je ne sais pas comment on traduirait ça, discuter poliment. Ah, tu ne savais pas quoi ? Hier, la France est devenue championne du monde de football. Ah, waouh, je suis tellement content. Mais quelle horreur, mais quelle horreur. C'est tellement lamentable, quelle honte. Quelle honte, il n'y a pas d'autre terme. Alors déjà, en disant ça, je ne me fais pas que des amis, hein, c'est clair. Donc avec cet ami, je lui explique, je lui dis, ah c'est marrant parce que j'ai plusieurs amis qui sont égyptologues, et les égyptologues, ils sont obligés d'avoir un discours très différent entre, par exemple, le discours officiel de l'université, et puis après quand on discute avec eux. Ils ne peuvent pas, devant moi, m'affirmer qu'on a déplacé plus de 2 millions de pierres pour la pyramide de Gizeh. Gizeh, on dit en français, la pyramide de Gizeh en 12 ans, enfin, ainsi de suite. Et ils sont obligés, ils sont là. Mais non, évidemment, non, c'est une énorme stupidité, c'est incohérent, on ne peut absolument pas faire ça. De surcroît, c'est aligné sur la mesure de la planète Terre, sur le déplacement de la planète Terre dans le système solaire. C'est une suite d'impossibilités totales. Mais il faut bien comprendre que si moi, en tant qu'égyptologue, je dis le contraire de ce qui est dit dans le courant principal de l'éducation, eh ben, j'aurai plus aucune recherche financée, je n'aurai plus aucun poste d'enseignement dans aucune université, donc je suis mort, quoi, je peux ouvrir une pizzeria. Donc je suis absolument coincé comme un rat et je suis obligé de respecter et de continuer à dire ce que le courant principal dit, parce que si je ne suis pas avec le courant principal, je n'ai plus rien. Et j'expliquerai après avec cette astrophysicienne, il est clair que la science n'est plus la science. La science est une discipline qui est financée par des gens qui ont le pouvoir. Et si on ne dit pas ce que le pouvoir dit, on n'a plus d'argent, donc on n'a plus de travail, donc on n'a plus de connaissances, donc on n'a plus d'avenir, on n'a plus de vie, on est terminé. La pizza, pizzeria. Peut-être que j'ouvrirai un site web un jour sur comment cuisiner les meilleures pizzas du monde et je vais avoir plein de clients. Parce que toute personne rebelle va finir dans une pizzeria. Et donc, quand je lui explique tout ça, elle est un peu surprise. Alors, je dis, ben, évidemment, je veux dire, les égyptologues, ils peuvent en aucune façon tenir des choses délirantes pour expliquer d'une façon débile des choses inexplicables. Il faut sortir de la boîte et prendre les tenants et aboutissants. En tant que psychologue, quand on travaille sur le cas d'une personne, on ne va pas simplement prendre le fait qu'elle a peur des chats. On va travailler avec elle pour savoir pourquoi elle a peur des chats, quelle est l'histoire avec les chats et quelle est son enfance. On va prendre l'ensemble des choses. On va pas juste travailler sur, ah, t'as peur des chats, on va aller tous les jours se promener dans un abri pour chats et tu t'habitueras aux chats. Évidemment. Quand je dis ça, c'est absolument clair. Mais d'un seul coup, pour les pyramides, pour l'égyptologie, alors on va prendre juste le cas de l'égyptologie, le fait qu'il y ait les mesures de la planète Terre dans la pyramide, qui est la distance que parcourt la planète Terre en une seconde de temps dans le système solaire, le fait que ça soit parfaitement tourné vers le pôle Nord, que ça soit que ça respecte parfaitement les méridiens de la planète Terre, ce qui veut dire une connaissance totale de la planète entière, etc., etc., que les pyramides soient contre earthquake-proof, ça veut dire contre les tremblements de terre, et ainsi de suite, alors qu'ils ne peuvent pas connaître les tremblements de terre, ou ils n'ont pas assez de mémoire et pas d'explosifs pour tester la résistance, etc., etc., etc. C'est une suite immense d'impossibilités totales, étant en plus un tombeau avec lesquels on n'a jamais retrouvé aucun sarcophage. Aucun sarcophage et aucun signe de ces sarcophages. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Comme dossier foireux, ça fait quand même beaucoup. Et si on reprend l'ensemble, non, mais effectivement, en égyptologie, on est obligé de s'obséder sur un aspect et d'ignorer, de dénier totalement tout le reste. Et l'astrophysicienne, elle me dit, ben moi, dans mon cas, que je parle en public ou que je parle avec toi en privé, je dirais exactement la même chose. Alors je commence à parler, par exemple, des extraterrestres. Elle me dit, ben on n'a aucune preuve. Je dis, comment ça, on n'a aucune preuve? Tu rigoles. Et vu la masse d'une galaxie et d'un nombre gigantesque de galaxies, de quoi est-ce que tu me parles? Ah oui, mais bon, peut-être que nous sommes l'exception. Évidemment, nous sommes la seule planète dans le cosmos entier, pas que dans la galaxie, dans le cosmos entier, qui a pu provoquer la vie. Évidemment, donc statistiquement parlant, je lui expliquais, j'aime citer cet exemple, je lui dis, tu sais, si tu joues au loto et que tu espères gagner le loto, il faut que tu saches que tu as exactement... Pour gagner au loto, le gros lot, hein, tu as 0,00000007% de chance de gagner au loto. Et en fait, si tu te mets dans ton jardin et tu attends, tu as 150 fois plus de chances de recevoir un astéroïde sur la tête que de gagner au loto. C'est des lois de statistique. Donc, à chaque fois que je rencontre des gens qui veulent faire fortune avec le loto, je leur dis, ben, essayez le jardin. On ne sait jamais. Ça pourrait marcher. Avec un peu de chance, si ça tombe à côté de vous, que vous revendez la pierre, vous pourriez vous faire de l'argent. Donc en fait, jouer au loto, statistiquement parlant, c'est moins possible de faire fortune que d'attendre dans son jardin qu'un astéroïde tombe, qu'il ne me tombe pas dessus, et que je puisse revendre l'astéroïde et me faire beaucoup d'argent. Eh oui. Présenté comme ça, ceux qui jouent au loto, c'est quand même moins intelligent. Hein? Donc j'ai dit, et toi, ce que tu présentes comme théorie, on est la seule chance. Alors là, on multiplie les mêmes théories par 1 million à peu près. Ah oui, mais il n'y a aucune preuve, donc on ne sait pas, il n'y a aucune preuve. Super, super cool. Là, je parle déjà avec une professionnelle. Alors après, je lui explique différentes choses au niveau politique humaine. Par exemple, je déborde sur Nikola Tesla et je parle de Nikola Tesla et je parle des choses qu'il a créées. Qui ont, son laboratoire a explosé 2 fois, son laboratoire a brûlé 2 fois, de façon à être sûr que ses inventions ne seront pas produites en grande échelle. Alors actuellement, l'Inde, bon, il y a des gens qui ont fait des recherches hein, sur, par exemple, les véhicules sans énergie. D'ailleurs, certains véhicules ont déjà parcouru 1 000 km, 6 000 km, et à chaque fois, ben, les informations sont étouffées. Et pour Nikola Tesla, il y a beaucoup de gens à travers le temps qui ont fait des recherches pour développer la même chose. Et ben, ces gens, ils ont eu des accidents d'avion, ils ont eu des accidents de voiture, il y a même un groupe qui a été intoxiqué, ils sont tous morts. Pas de chance, quoi. À chaque fois, pas de chance. À mon avis, Nikola Tesla, il apporte la chkoumoun. Et actuellement, l'Inde, qui est vraiment dans le caca financier, ils sont quand même 1 milliard d'habitants et ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas d'argent, ils sont vraiment pauvres sur tous les aspects, eh bien, ils ont pris les meilleurs scientifiques de l'Inde et ils ont créé un laboratoire pour essayer de reconstruire ce véhicule et cette spécificité d'énergie par Nikola Tesla. Et quand ils ont créé ça, ils ont regroupé vraiment les plus grands scientifiques du pays, l'Europe, les États-Unis, je crois la Chine ou la Russie, j'ai oublié, leur ont tous dit c'est une très mauvaise idée. Si vous faites ça, on va être très très agressif et très désagréable. Pourquoi? Et ils ont fait vraiment des menaces à l'Inde et l'Inde a continué à faire ses recherches, mais ils ont placé toute une armée autour du laboratoire. C'est hautement sous protection et c'est une armée entière qui protège les chercheurs et le laboratoire. Alors quand je parle de la scientifique, de ceci à l'astrophysicienne, elle me dit, mais ça prouve rien. C'est simplement parce qu'ils savent que les hindous sont stupides et qu'ils dépensent leur argent pour des stupidités, donc ils veulent les empêcher de gaspiller leur argent pour rien et plutôt acheter des choses qui seront efficaces pour leur pays. Je dis, ah, c'est ton explication. Ah ben là, je dois dire que j'ai affaire à une scientifique terrible, quoi. Alors après, je dis, bon, bah alors parlons d'astrophysique, simplement. Le temps n'existe, par les lois d'Einstein qui ont été développées, par la gravité et par la vitesse. Hein. Le temps existe par la gravité, et selon la gravité qui va exister, par exemple auprès d'un trou noir, le temps n'évolue pas du tout de la même façon. Plus on se dépasse rapidement dans l'espace, et plus le temps est influencé. C'est-à-dire que plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, quand on vole à 70 ou 80% de la vitesse de la lumière, j'ai oublié, on a une diminution du temps de un tiers, une histoire comme ça. Et quand on arrive à se rapprocher de la vitesse de la lumière de plus en plus, quand on est à 99% de la vitesse de la lumière, ça doit être quelque chose comme 1 seconde passée à l'intérieur pour 1 000 ou 10 000 ans à l'extérieur. Donc, le temps. La vitesse influence le temps, et évidemment, le temps n'existe que par le système de gravité. C'est la loi, c'est comme ça. Si vous faites autre chose, on vous arrête. Bon, et au regard de tout ceci, puisqu'au moment du Big Bang, il n'y a pas de gravité et il n'y a pas de vitesse, puisque c'est une soupe primordiale informe, on va dire, comme le présente Hubert Reeves, il ne peut pas exister de temps avant le Big Bang, puisqu'il n'y a pas les éléments qui permettent de manifester ce temps. Donc il ne peut rien exister avant le Big Bang puisqu'il n'existe pas de temps. Comment pourrait-il exister quelque chose avant quelque chose qui manifeste le temps? Donc le avant Big Bang ne peut pas exister. Mais en même temps, le Big Bang qui provient de rien, c'est carrément une formule magique que l'astrophysique ne peut pas accepter. Le Big Bang ne vient pas de rien. On parle d'une singularité, on parle une singularité qui existe avant le Big Bang. Ça veut dire qu'avant le Big Bang, il y a quelque chose. Donc la théorie astrophysicienne ne marche plus. Donc soit le Big Bang provient de rien, ce qui est de la magie et ça ne marche pas, soit ça provient de quelque chose qui existe avant le Big Bang, ce qui n'est pas possible en astrophysique, puisque le temps n'existe pas avant la manifestation des éléments qui permettent de créer le temps. Et quand je lui explique ces choses-là, je lui dis donc, quel est ton point de vue? Elle me dit, il faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous. Bien sûr. Et après, elle est paniquée. Plus tard, je discute avec l'amie qui l'a invitée et elle me dit, c'est une astrophysicienne qui a quand même un certain niveau, qui est assez réputée dans l'astrophysique. Mais enfin, c'est une femme qui était un homme. Je dis, pardon? Elle dit, oui, elle se sentait mal, donc elle a fait des opérations, c'était un homme et maintenant c'est une femme. Bien sûr. Donc, on va avoir quelqu'un qui va m'expliquer à coup de débilité totale, la structure du cosmos et l'astrophysique, et aussi que les hindous sont des débiles, tandis que elle n'arrive même pas à savoir si c'est un homme ou une femme qui va subir des opérations d'une violence terrible pour devenir ce qu'elle n'est pas. Elle est née homme, elle est née homme. Donc, qu'on entende bien mon discours, je ne suis absolument pas contre l'homosexualité. Aujourd'hui, en science, nous savons qu'il y a même certains types d'homosexualité, ce n'est pas la majorité, c'est environ 10% des homosexuels, hommes ou femmes, qui ont eu une manifestation qui existe normalement dans le fœtus et qui n'est pas arrivée chez eux et qui les amène à être attirés par le même genre, le même, oui. Donc, il n'y a aucunement un critère de jugement, bien, mal, et ainsi de suite. Mais de là à se placer au-dessus de Dame Nature et à subir des opérations terribles pour devenir le contraire de ce que l'on est, le genre dans lequel on est né, ce n'est pas exactement une référence d'équilibre et de bien-être. Et pourtant, ces gens-là, ils vont m'expliquer les structures du cosmos. Et si je commence à leur expliquer des choses, ils vont dire, bon, allez, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Voilà où on en est. Voilà où on en est dans le monde. Que ce soit les égyptologues, les astrophysiciens, les profs à l'école. Hein. Les profs à l'école, simplement. Hein. J'ai plusieurs élèves qui sont des profs à l'école et qui disent, je sais parfaitement que j'enseigne des conneries, mais si j'enseigne pas ça, je fous la porte. Donc on est dans une situation où aujourd'hui le pouvoir est plus fort que la connaissance. Avant, nous étions en Europe plus ou moins dans une démocratie, puis nous sommes passés dans la télécratie. Qu'est-ce que la télécratie? Eh bien, c'est la télévision qui vole toute chose. C'est-à-dire qu'on sait parfaitement que la télévision, elle a détruit la vie familiale de toute l'Europe et certainement du monde entier, en gros. On ne parle plus. La télévision, on écoute la télévision. Et si la télévision dit ça ou ça, c'est vrai. Par exemple, moi, dans les arts martiaux, j'ai quand même commencé en 1966, donc à moins d'être très, très, très stupide, je sais précisément ce que sont les arts martiaux. Eh bien, si j'exprime ce que je connais sur les arts martiaux, on dit, oui, ça, Saichi, c'est ton opinion. C'est une opinion. Plus de 50 ans d'expérience, c'est une opinion. J'ai pas de connaissance, c'est une opinion. Par contre, si la télévision répète quelque chose, et j'ai entendu des journalistes répéter, présenter des trucs sur les arts martiaux avec des mots faux, simplement parce que ils savent pas. Ils savent pas prononcer, quoi. Donc, ils vont. Il y a le judo qui est une pratique de bâton de combat avec un bâton court, et comme ça ressemble à judo, ils disent bien le judo, la pratique de bâton, et des non, manque de bol, c'est pas le judo, c'est le judo. Judo. Voilà. Mais c'est pas leur faute, ils savent pas. Eux, ils lisent un téléscripteur. Mais eux, ils n'expriment pas une opinion. Eux, c'est la vérité parce que c'est la télévision. Mais moi, après plus de 50 ans de pratique, moins de Shaolin, j'ai juste une opinion. La connaissance n'existe que au devant du pouvoir, de l'argent, de la puissance. Il n'y a plus de conversation entre les gens n'ont plus l'habitude de se confronter à quoi que ce soit. C'est la télécratie, la télévision décide pour nous. Et comme la télécratie, c'est contrôlé par quelques personnes dans le monde, les médias, eh bien quelques personnes dans le monde décident de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous pensez, et ainsi de suite. Et vous allez dire, ah non, mais Meiji, ça s'est passé depuis, il y a YouTube. Il y a de plus en plus de gens qui regardent plus la télévision, mais qui regardent YouTube. C'est vrai. Et c'est vrai que YouTube, au début, a été l'expression d'une pensée beaucoup plus libre, des rebelles qui voulaient informer les gens sur ça, et dire la vérité. Seulement voilà, depuis environ 3 ans, nous sommes actuellement en 2018, depuis environ 3 ans, depuis 2014-2015, YouTube a été totalement racheté, totalement contrôlé par les mêmes maîtres qui contrôlaient la télévision. Alors vous allez dire, mais non, c'est pas vrai, regarde-toi, tu es en train d'enregistrer un truc qui va être mis et on pourra écouter. Oui, bien sûr, absolument. 50, 100 personnes maximum. Si je ne respecte pas les critères imposés totalement par le système de YouTube, j'ai entre 50 et 100 personnes. Considérant que 50 ou 100 personnes qui viennent voir mon film, la plupart du temps, écoutent 5 minutes. Je sais, j'ai les statistiques, donc je peux regarder, hein. Au bout de 5 minutes, les gens y partent. Il y a très très peu de gens qui écoutent jusqu'à la fin. Parce qu'il faut donner des informations très rapidement, parce qu'il faut respecter les critères de valeur de la télévision. Moi, quand j'ai commencé à faire des films, j'ai travaillé avec un ami, Yves Ginet, qui était un mec très haut placé dans la télévision à TF1, et qui m'a appris à faire des films, d'après les critères. Et par exemple, il me disait, une image, ça dépasse pas, j'ai oublié maintenant, le grand maximum, c'est 5 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Mais la plupart des images, c'est 3-4 secondes. Et une image panorama, comme j'expliquais, ça peut être 5 à 7 secondes, mais c'est exceptionnel. C'est une image qui va tourner en même temps, donc qui est stable, mais qui tourne en même temps. Et je lui dis, mais non, attends, hein, arrête. Si c'était ça, j'aurais remarqué. Et après, on voyait Koji pendant un bon moment devant la télévision en train de compter 1, 2, 3, mince, 1, 2, mince, 1, 2, et il avait parfaitement raison. Donc en fait, on a éduqué les gens à ce que les gens, choses aillent très vite. Je ne veux pas aller en profondeur, je veux que ça soit rapide. Supermarché, la philosophie supermarché. Et par ceci. Un film qui va un peu plus profondément, une explication qui est un peu trop technique, hop, on zappe, on va ailleurs. Donc, oui, c'est vrai qu'on peut publier ce qu'on veut. Mais c'est vrai que tel que les gens étaient programmés, il y a une infime minorité, 0,01%, qui aura accès à ça. Donc, ça n'a aucune importance. La majorité regardera ce que les gens feront en respectant les règles de la télévision. Image rapide, complètement vide, en affirmant des stupidités que tout le monde répète et donc qui sont les bienvenus, etc., etc., etc., etc. Donc, après la télécratie, ça a été la webcratie. Web de web, c'est le réseau informatique, quoi. Donc, c'est la webcratie. Et la webcratie, c'est exactement la même chose. Ça continue à répéter les mêmes stupidités, les mêmes débilités. À tel point qu'aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un et que je parle avec ce quelqu'un 10 minutes, la personne est traumatisée. Il y a plein de gens qui me disent, mais parler avec toi, c'est terrible, G. Tu t'avances des choses qui sont compliquées, qui me touchent profondément, ça me trouble, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Et il faut que j'aille me reposer chez moi. Et voilà où on en est. Ils doivent aller se reposer chez eux après avoir parlé 10 minutes avec moi, simplement parce que j'ai parlé, je ne les ai pas insultés, hein. J'ai simplement parlé de choses de base sur la nourriture, sur. Il y a des gens qui me rencontrent et qui me disent, moi je suis. Ah, quel est le terme? Ils sont plus végétariens, ils sont flexivores. Ah, ils sont flexivores. Ça, c'est fantastique d'être flexivore. Parce que les végétariens ou les végétaliens sont tellement débiles qu'ils sont fanatiques. Hein, ils mangent que des végétaux. Tandis que les flexivores, ils sont au-dessus de ça. Ils mangent ce qui se présente à eux. Ben voilà, c'est ce qu'on appelle des omnivores. Ah non, ça n'a rien à voir, je suis flexivore. C'est-à-dire que je suis tellement brillant, tellement intelligent, tellement libre, tellement merveilleux, que je mange ce qui se présente à moi. Je dis, bah oui, c'est exactement la définition de l'omnivore. Ah non, je suis flexivore, c'est bien mieux que ça. Et alors avec ces gens-là, je discute avec eux, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, parce que je pense qu'enfoncer le clou, ça ne peut pas faire de mal. Le territoire mondial qui est à notre disposition. Il y a 50% de ce territoire mondial qui est utilisé pour la nourriture. 50%. Et tous les ans, on déboise la valeur de la moitié du territoire national français. Parce qu'on a besoin de plus de terrain pour la nourriture, parce qu'on est affamé. Hein. Il y a quand même 3 milliards et demi de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim, qui sont affamées. Hein. Donc, alors il faut y aller, hein. Faut couper du bois. Hein. Ce qui fait qu'on détruit la planète Terre, qu'on massacre tout, mais ils sont flexivores. N'oublions pas, hein, flexivores. Très très intelligents, flexivores. Bien mieux que végétariens ou végétaliens. Et en fait, on utilise 1% du territoire mondial pour habiter. Eh oui, pour nous, simplement, en tant qu'habitants, nous utilisons 1% du territoire mondial. En d'autres termes, si on prend tous les humains de la planète Terre entière, tous les continents, tous les peuples, et qu'on leur donne des villages avec chacun un bon jardin de 200 mètres carrés, donc quand même un beau terrain, eh bien on met la population mondiale à l'intérieur d'un seul État. Dans l'État du Texas, aux États-Unis, on met la population mondiale. Eh oui, parce qu'en fait, on prend pratiquement rien. Ce qui prend le plus de place, c'est la nourriture. Or, si donc maintenant on parle même d'éliminer des gens, plus que 500 millions d'êtres vivants sur la planète Terre, d'après les plans des Bilderberg, et aussi envahir d'autres planètes si un jour on a le moyen, etc. Alors qu'il y a quand même un moyen beaucoup plus simple, si tout le monde se met à être végétarien, et même végétalien, plus exactement végétalien, nous n'avons besoin que de 8% du territoire mondial pour nourrir 8 milliards d'êtres humains. Et on n'est pas encore 8 milliards. Donc on récupère 42%. Donc ça veut dire qu'on récupère 42 fois la planète Terre, puisqu'on n'utilise que 1% pour vivre, pour exister. Donc si on prend 8% pour la nourriture et 1% pour l'habitation, on arrive à 9%. Reste donc là tout de suite 41% disponible. On ne sait pas quoi en faire. On pourrait peut-être planter des forêts d'ailleurs, hein, et puis utiliser, disons, allez, 20%. On a 20 fois plus de place, on a 20 fois la planète Terre. Mais ils sont flexivores, parce que c'est beaucoup plus intelligent que végétalien ou végétarien. Je me sens tout petit devant ces révélations. Et quand on arrive à ce niveau de débilité, parce qu'on parle vraiment de débilité, les gens paniquent dès qu'ils font face à une idée qui va choquer leur endoctrinement total, qui vient de la puissance mondiale de 6, 7, 8 personnes qui contrôlent la télévision et aujourd'hui aussi Internet. Et tout ce qui vous est répété perpétuellement des milliers de fois par jour, et par ces réseaux, et par la radio, et par vos amis, et par maintenant votre portable, il y a des maladies qui se développent avec des déformations au niveau des vertèbres cervicales, parce que les gens ont sans arrêt la tête baissée sur leur portable. Donc vous avez des vertèbres, des disques vertébraux défoncés par votre portable, mais vous n'êtes pas influencé par ce qu'on vous matraque à travers votre portable. Non, évidemment, non, c'est tout à fait logique. C'est comme l'astrophysicienne homme-femme qui sait tout sur le cosmos. Et on a amené l'humanité à un niveau de débilité terrible. Terrible. Ça veut dire aujourd'hui que lorsque je discute avec quelqu'un, la plupart des gens ne peuvent pas m'affronter en conversation plus de 10 minutes et les hyper brancher une demi-heure. Après, c'est soit ils sont en colère la plupart du temps, ou soit c'est trop pour eux. Alors il leur faut 2 ou 3 mois pour assimiler. Eh bien, on va aller loin avec tout ça, hein? Donc on a amené l'humanité à un niveau de débilité totale. Si on regarde l'argent maintenant, l'argent n'existe pas. C'est une convention qui a été établie, mais ça n'existe pas. Les États-Unis, ils ont une dette du PIB mondial, 3 fois le PIB mondial. C'est pas grave, ils vont imprimer d'autres billets, c'est pas un problème. Parce que les dollars ont ce pouvoir magique d'être illimités. C'est le dollar pétrole qui a toutes les valeurs. Sauf qu'on ne sait pas actuellement que les Chinois, qui sont quand même 1,5 milliard, ils refusent maintenant de payer en dollars. Ils payent directement dans leur monnaie. Donc par ceci, le dollar pétrole est en train de se cracher complètement. Et cela va avoir comme conséquence un écroulement total de l'argent dans le monde entier. Le jour où il y a un écroulement total des valeurs totalement hypothétiques de cet argent, il ne reste plus rien sur ce monde. Ah oui, parce que du jour au lendemain, en disons 3-4 jours, une semaine maximum, l'armée n'a plus de salaire, la police n'a plus de salaire, l'électricité n'a plus d'argent, tout disparaît. Vous avez peur d'une guerre nucléaire avec les Chinois ou les Russes qui vont vous envahir, mais croyez bien, l'écroulement financier, c'est une guerre 1000 fois plus puissante et qui frappera tous les coins du monde en moins d'une semaine. Et ce sera une guerre civile terrible. The Walking Dead, c'est la rigolade à côté. Parce que les Walking Dead, au moins, ils sont cons. On les voit arriver. On les voit arriver. Tandis que d'avoir des humains sans loi, ni foi ni loi, sans intelligence, ils massacreront tout pour vous voler un pot de choucroute ou un peu de pétrole. Préparez-vous à mourir. Et lorsque l'on prend les prédictions du maître Peter Deneuve, la dernière prédiction du maître Peter Deneuve, c'est exactement ça. Nous arrivons à la fin d'un monde parce qu'il n'y a plus aucune forme d'intelligence. Aucune forme d'intelligence. Et sans vouloir être arrogant. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Iji, ton canal, c'est fantastique, c'est merveilleux, ça a transformé ma vie, mais je suis atterré de voir le nombre de personnes qui y suivent. » Il n'y a pratiquement personne. Je dis « Ben oui, c'est comme ça. » C'est un des critères qui prouve bien que j'ai raison. Il n'y a plus rien. Et si en plus, on cherche à regrouper des gens qui sont intelligents, ensemble, il n'y en a pas beaucoup déjà, ça devient une secte. Donc il faut les arrêter, les massacrer. Pour moi, j'étais la bête noire en France. Hein. Je suis un démon, je suis un monstre, je suis un pédophile, je suis tout ce qu'on veut. Tout ce que je peux faire de négatif, je le fais, quoi. Je suis un démon. Et au regard de tout ceci, et parce que j'ai protégé des réfugiés dans un pays, réfugiés africains, je me suis retrouvé en prison. 1 an de prison. 1 an de torture. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenu aveugle. Je suis diabétique, donc c'est une double rétinopathie proliférante, diabétique. Donc c'est une pathologie tout à fait classique du diabète, mais le problème, c'est qu'elle a totalement explosé en prison, puisque j'étais maltraité, j'étais affamé, je n'avais pas assez d'insuline, puisque je n'étais pas en prison en France. Au moins en France, j'ai été ensuite emmené à la santé, où ma santé est revenue, d'où le terme de la santé, c'est pas stupide, parce que c'est vraiment un hôpital, une prison d'accord, mais un hôpital. Quand je suis arrivé, j'étais à l'article de la mort. Et étrangement, dans ces prisons, vous avez toutes les petites racailles. Les petites racailles, c'est les gens de 20 à 40 ans, grosso modo, qui sont les mêmes esclaves de la télévision, sauf qu'ils ont regardé à leur façon et ils se sont dit « j'ai pas envie de travailler toute ma vie pour être un esclave », donc ils décident de voler. Et ils volent aussi bien leurs belles-sœurs, leurs frères, leurs grands-pères, le prisonnier d'à côté, c'est la petite racaille. Et puis vous avez des gens d'une quarantaine d'années, 50 ans, et ceux-là sont des durs, vraiment des durs. Et ben, je peux vous dire quelque chose de très traumatisant, certainement pour vous, si vous pouvez accepter cette idée. Ces gens-là ont plus de valeur morale que tous les petits trous du cul que je rencontre dans la société. Eh oui, ce sont des gens, pour la plupart, de valeur, d'honneur, qui ne trahissent pas un ami, en qui vous pouvez avoir totalement confiance, qui m'ont aidé, qui m'ont sauvé la vie dans plusieurs situations où j'étais à l'agonie dans les prisons. C'est des durs, ils ont peur de rien et ils ont de la valeur morale. Eh oui. Pourquoi? Ben parce qu'ils viennent d'une plus ancienne génération et aussi parce qu'ils ont décidé d'être contre le système en étant forts et puissants. Donc ils ne sont pas influencés par le système. Ils ont une valeur totalement différente. Ils n'ont aucun lien avec les valeurs de ce monde. Les petites racailles de 20, 30 ans, oui, c'est totalement, c'est juste des rebuts d'un système qu'ils adorent totalement, même s'ils disent le contraire. Mais les durs de 40, 50 ans, 40 ans, 50 ans, croyez bien, ils ont totalement un autre système. Et ce sont des gens de valeur. Et ce sont des gens, quand ils m'ont rencontré, ils ont tout de suite vu que j'étais de leur système à eux. Pourtant, je suis pas un tueur. Mais un homme d'honneur et de valeur. Et ils m'ont totalement respecté et adoré. Et on est devenus les meilleurs amis du monde. Eh oui, je suis tellement coupable que je suis ami avec des gens que j'ai rencontrés en prison, qui ont pris des risques insensés pour me sauver la vie. Alors que les autres, hein, de dehors, ceux qui sont si évolués, si merveilleux, ils déclareront « Oh, bah, c'est ton karma, il faut que tu assumes. Allez, au revoir. » Je te souhaite beaucoup d'amour. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est. Et quand on en est là, eh bien c'est clair qu'une société comme ça, qui est basée sur une convention totalement hypothétique du dollar et des valeurs financières, on ne peut aller que vers le chaos, que vers la fin. Les découvertes scientifiques sont interdites si le pouvoir et l'argent hypothétique n'a pas dit oui. Et donc, elle dira jamais oui, puisqu'elle ne dira jamais oui à quelque chose qui pourrait porter préjudice à leur valeur et à leur puissance. Donc, c'est le serpent qui se mange la queue. On est niqué de niqué de niqué. Et la situation est que, en 1944, le maître Peter Donov a dit, il va y avoir une telle révolution, un tel écroulement par un système tellement dégénéré, que ça va être d'une puissance monstrueuse. Donc moi, j'ai essayé de regrouper des gens. J'ai essayé de regrouper des gens de valeur, des gens forts, puissants, avec honneur, dignité et un peu d'intelligence. Et aujourd'hui, je peux dire que je fais vraiment un appel à ces gens-là. Là, maintenant, quand je vous parle, je dis, si vous estimez être un peu comme ça, contactez-moi. Et si on arrive à être 20 ou 30 personnes d'une vraie valeur, dans la terrible crise que nous allons bientôt rencontrer, le terrible chaos que nous allons bientôt rencontrer, il serait possible de survivre et de protéger vos familles et ceux que vous aimez s'ils ont un peu d'intelligence. Mais maintenant, vous restez avec le système de société, c'est terminé, c'est fini. Bah, c'est pas fini parce que, d'après les calculs, ils estiment se débarrasser d'à peu près 2 tiers de la civilisation humaine. Donc, vous pouvez toujours faire partie du dernier tiers. Mais ceux qui survivent seront encore pires que les autres. Après l'écroulement du monde qui est calculé et voulu, et d'ailleurs il y a des manœuvres financières, des mouvements d'or et ainsi de suite, pour réorganiser le monde après, une fois que le monde se sera écoulé par leur propre volonté, et par le fait que les gens sont totalement débiles parce que c'est eux qui ont créé cette débilité. Alors il sera temps de sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité, on va recréer un gouvernement mondial. Puisque les gouvernements nationaux n'ont pas suffi. Bah oui, vous avez bien vu, hein, tout s'est écroulé. Donc maintenant, on va créer un gouvernement mondial et on va tout organiser au niveau mondial. Et tout va aller encore mieux puisque nous aurons encore 10 fois plus de pouvoir. Et je crois sincèrement qu'il vaut mieux faire partie des morts que des vivants. Croyez-le bien. Mais il y a une possibilité d'autre évolution. Une toute, toute petite possibilité. Quand, puisque j'ai donné le titre de la véritable fraternité blanche universelle, pourquoi est-ce que je parle de la véritable fraternité blanche universelle? Parce que je parle d'êtres humains qui sont véritablement dans une essence spirituelle, pas dans une association. Le Bonfin a créé la FBU, Fraternité Blanche Universelle. C'est une association. Au loin de 1901, puis après vous avez la FBUI, la Fraternité Blanche Universelle Immobilière. Eh oui, ça... Donc on peut deviner un peu tout ce qui se passe par derrière. Enfin bon, c'est l'association de gens qui sont intéressés à toutes les valeurs de cette société, même s'ils chantent le contraire. Il y a le pouvoir, il y a la décision. Je me souviens un jour qu'il y avait une assemblée générale et on m'avait dit, mais l'assemblée générale, c'est que pour des gens de tel niveau. Il n'y a absolument pas. Une assemblée générale d'une association, même quelqu'un de l'extérieur, il a le droit de venir et d'écouter. C'est la loi, c'est comme ça. C'est la loi de transparence de toute association, loi de 1901. C'est pour ça que ça a été créé comme ça. C'était pour contrer tous les groupements religieux. Donc, oui, vous pouvez avoir une association, vous ne payez pas d'impôts, mais loi de transparence totale. Mais la FBU, elle va se passer au-dessus de tout ça. Hein? Ceux qui vont participer à l'Assemblée générale ne sont que les élites. Et moi, je me souviens que quand j'ai entendu parler de ça, j'étais au Bonfin, j'étais à l'Assemblée générale. Et là, le leader, il a fait signe à trois frères de me mettre dehors. Et Blagost, qui m'aimait beaucoup, avec qui j'étais très ami, qui était la secrétaire personnelle du maître Omram, elle s'est levée, elle a croisé ses bras, et les trois sont assis, et j'ai écouté l'Assemblée générale, où effectivement on ne parlait que d'argent, que de pouvoir, et ainsi de suite. Ouais. Parce que toute association aujourd'hui se fait à travers des gens qui, même faisant partie d'une école comme celle du Bonfin, écoute la télévision et YouTube toute la journée. Ce sont des marionnettes du système. Avec un peu plus de connaissances, c'est vrai, mais ce sont des marionnettes du système. Pouvoir, hiérarchie, etc. Encore une fois, je me souviens de ce frère qui m'a rencontré et qui imitait complètement Maître Omram, qui n'arrivait pas à mettre deux phrases l'une derrière l'autre, parce qu'il avait toujours besoin de respirer. Ah oui, ah, ça alors depuis. Oh, oui. Alors, depuis combien de temps suivez-vous l'enseignement du maître Omram? Oui. Je dis, bon, moi, ça doit faire, je ne sais plus, en cela, 2 ans, 3 ans. Je dis. Alors, il m'a dit, ah oui, moi, ça fait 38 ans, ou 35 ans, j'oublie. Ah, oui, 35 ans. Ah, merveilleux, merveilleux. Vraiment. Et je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit, bah oui, il y en a qui sont plus rapides que d'autres pour apprendre. Allez, ciao. Et je suis parti, il était outré. Outré, parce que. Quoi? Donc tout ça, c'est le protocole de pouvoir, de cinéma, d'arrogance qu'on va trouver partout. Quand on parle du Christ, Jésus-Christ, Christos, hein, il faut bien comprendre la chose d'une façon claire. Le mot Jésus, qui n'existe pas d'ailleurs, hein, en hébreu c'est Yeshua, et Yeshua, c'est Yod He Shin Vav He, 5 lettres. Les 5, c'est le symbole de l'être humain. Et au milieu, il y a le Shin. Et le Shin en hébreu ressemble un petit peu comme un espèce de bateau, un contenant quelconque. Et autour, nous avons Yod He Vav He, qui est ce qu'on appelle Hashem en hébreu. Hashem, c'est le nom saint. Baruch Hashem Anitov. Grâce au saint nom, je me sens bien. Et puisqu'on ne sait pas comment prononcer le tétragramme, avec respect, avec correction, donc ce sont les 4 qualités divines qui sont incarnées à l'intérieur de ce bateau central, le Shin. Et donc le nom Jésus, Yeshua, ça veut dire l'incarnation des qualités divines. Ensuite, le Christ, ça veut dire Christos. Christos, ça veut dire celui qui est oint. Celui qui est oint, c'est celui qui a reçu l'huile magique qui permet de recevoir ses qualités divines. Ce n'est pas un titre, je suis le seul au monde, c'est une manifestation du résultat d'une évolution spirituelle. Mais quelle est cette huile? Quelle est cette huile? D'où vient cette huile? Eh bien, cette huile, elle vient de vous-même. C'est-à-dire que vous avez des hormones, vous avez des hormones qui tournent autour de votre cerveau, dans le liquide céphalo-rachidien, et qui, au bout d'un moment d'extase, au bout d'un moment de transfiguration, Jésus était le maître de la transfiguration qui ne pouvait pas être compris de là où il se tenait au moment où il enseignait. Cette transfiguration va transformer son ADN, va transformer tout, et il va être oint par une huile qui existe en lui, qu'il va sécréter et qui va descendre sur tout son corps pour transfigurer chacune de ses cellules et de son ADN. Et cette huile va descendre le long de la colonne vertébrale pour inonder le corps entier de cette huile particulière, de cette illumination totale qui va toucher vos cellules, qui va toucher votre ADN, qui va reprogrammer l'ensemble de votre ADN, sachant que 90% de votre ADN actuel n'est en aucune façon utilisé. Donc disponible à toute reprogrammation lumineuse. Ça, c'est la définition du véritable nom de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas le Fils de Dieu, c'est celui qui a été oint par l'huile magique et qui devient l'extension de son Père céleste. Rien à voir avec Marie qui a fait l'amour avec personne et qui se retrouve enceinte. Moi, personnellement, je suis Joseph, j'ai quand même deux ou trois petites questions à poser. Sachant aussi, et ça personne ne le sait non plus au niveau historique, renseignez-vous, que lorsque Marie et Joseph sont ensemble, il faut savoir que Joseph, il a quand même 70 ans, avec une Marie qui est jeune. Donc là, en plus, il reçoit Marie quand elle est très jeune. Hein. Donc on va critiquer Mohamed, non Mahomet, dans le Coran, qui a une sa dernière femme, j'ai oublié son nom maintenant, c'est pas très grave, qui a 9 ans quand il se marie avec elle, mais il est quand même un gentleman, il fera l'amour que quand elle a 12 ans. Ah, vous voyez, ça va quand même bien. Mais bon, Joseph et Marie, c'est pas loin comme histoire, hein, parce qu'elle arrive, elle est très jeune. Quand elle a 20 ans, lui il a 70 ans, mais je dis pas qu'elle arrive à 20 ans, c'est un fait historique. On peut vérifier. Donc, la présentation de Joseph et Marie, le gentil couple, et ainsi de suite. Renseignez-vous au niveau historique. Ah oui, je sais, ce que je dis est insoutenable. Insoutenable. Et il y a même une fille de la fraternité qui est très gentille, qui est souvent en contact avec moi à travers mon canal, et qui m'a donné, j'ai oublié maintenant le terme, un canal avec une femme qui a été super médium et qui a décrit. Qui a visualisé complètement toute la Bible, visualisée comme une médium et qui décrit tout ça. Et ces textes sont très inspirés, sont très touchants. Mais étrangement, il n'y a pas une phrase qui aille contre la présentation de la Bible officielle et du Vatican. D'ailleurs, un pape a dit que c'était son livre de chevet. Ben oui, parce qu'il n'y a pas. Étrangement, il n'y a pas un Joseph âgé. Étrangement, il n'y a pas la fuite de Jésus qui va étudier partout. Donc même cette femme du Bon Fin, que je connaissais personnellement dans le passé, il y a très très longtemps, de la FBU, c'est quelqu'un qui va écouter l'enseignement de Maître en Moi. Maître en Moi, mais le premier à dire que Jésus a voyagé en Inde et ainsi de suite. Mais ses visions ne le précisent pas, mais quand même, c'est un truc de référence. Encore une fois, n'isolez pas les choses pour vous faire plaisir. Gardez une globalité. Il faut que ça marche dans la globalité. Pas juste parce qu'un pouvoir, une science ou des belles paroles m'ont inspiré de telle ou telle façon. Il faut que ça marche dans tous les sens. Pas dans le sens qui me fait plaisir. Donc, au regard de tout ceci, il faut bien comprendre que Jésus-Christos, ou Jésus-Christ, ben c'est aussi le Bouddha. Et c'est aussi Krishna, et c'est aussi Lao Tzu, et Chuang Tzu. Et j'en passe, c'est des meilleurs, parce qu'il y en a partout. Des gens illuminés, il y en a eu partout. Et certainement Padre Pio, qui d'ailleurs était très respecté par le maître Amram. Donc, il faut essayer de prendre cette chose dans la globalité entière. Dans la globalité entière. Et pas juste dans le sens de ce qui va m'arranger. Parce que ce chemin-là nous mène à une irréalité totale qui ne peut se conclure que par un chaos total. Alors qu'est-ce qui va se passer d'après les prédictions du maître Peter Donov ? L'écroulement total de cette société par stupidité, parce que le niveau est de plus en plus bas, et c'est le cas. Et c'est le cas parce que il y a 15 ans, il y a plein de gens qui voulaient parler avec moi. Il y a 20 ans, je faisais des conférences, j'avais des salles entre 200, non, 50 personnes minimum et 500 personnes maximum. Puis après, je repartais. Hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui s'intéressaient, qui posaient des questions. Aujourd'hui, si je fais une conférence du même style, d'ailleurs, j'en fais même plus, mais si je faisais une conférence du même style, j'ai entre 3 et 5 personnes. C'est pas moi qui ai chuté dans mon intelligence, c'est l'humanité qui a chuté dans son intelligence. C'est interdit, ça n'existe plus, ça ne peut plus être. Il y a quelques personnes qui m'ont contacté, une dame de Suisse qui m'a contacté et qui m'a dit « j'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que vous faites des stages, des trucs, des machins ?» Alors je lui dis « ben non, non parce que je vends rien. » Donc un jour on peut se rencontrer, des fois je passe par la Suisse, on peut se donner un rendez-vous, on passe un ou deux jours ensemble avec quelques amis qui sont là, qui voyagent avec moi. On est comme une espèce de famille, simplement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas... m'a jamais répondu. Ah bah oui, si je fais un stage, ça c'est intéressant. Hein, je rentre à telle heure, je quitte à telle heure, je sais ce que je vais étudier. Mais juste d'être fraternel, véritablement fraternel avec des gens qui ont envie d'apprendre, certainement pas, c'est inadmissible, c'est irrecevable. Ils ne veulent pas parce qu'ils sont contre le pouvoir. Mais s'ils sont contre le pouvoir, ils sont contre les stages, on vous demande de l'argent. Et ils sont pour des gens comme moi qui disent « mais non, on peut simplement être amis. On vit, on travaille ensemble un jour, deux jours, une vie entière, un mois, une semaine. On voit bien, j'ai une vie véritable, échangeons cette vie véritable ensemble et apprenons ensemble. » Ah non, ah non, certainement pas. Les gens sont tellement perdus. De surcroît, la planète Terre va se rebeller contre nous. En même temps, nous allons rentrer dans une guerre terrible. La Terre, Gaïa, contre l'humanité, qui n'a pas été capable de respecter Gaïa, Pachamama, qui crache dessus, qui détruit, qui pollue, qui massacre. Et à chaque fois, c'est pas grave, ça va s'arranger, on va trouver une invention. Jusqu'au moment où Pachamama, qui est une entité véritable, va se mettre en colère. Et la Terre qui se met en colère, l'humanité n'est rien. Rien du tout. Il a été aussi annoncé que la vibration changerait. Et effectivement, la vibration change. C'est-à-dire que quand on parle des résonances de Schumann, hein, qui était un système découvert en, je ne sais plus combien, 1940, 1950, j'ai oublié maintenant, et qui a calculé dans quelle résonance nous vivons. Alors, quelles sont les résonances? C'est de l'électricité cosmique qui rentre dans notre ionosphère, on dit en anglais, je pense que c'est la même chose en français, ionosphere in English. Et quand ça passe cette barrière particulière, ça se change en éclairs, et ces éclairs vont résonner à l'intérieur de notre caisse de résonance de vie, et vont faire vibrer la planète Terre comme une cloche. Et ça fait vibrer la planète Terre à un taux de 7,83 Hz, donc 7 vibrations, 0,83 par seconde. Et cette vibration est très très stable, ou fut très très stable. Et... à tel point que dans l'espace, par exemple, quand on a envoyé des cosmonautes, on s'est aperçu que les gens, sans cette vibration, devenaient fous. Donc ils ont été obligés de construire des machines qui vibrent à 7,83 dans les vaisseaux, de façon à ce que l'être humain ne devienne pas fou sans cette vibration particulière. Donc ça veut dire que notre intellect, notre vibration biologique est totalement adaptée à cette vibration qu'on ne sent pas, mais qui est là perpétuellement. Or, en 2012 principalement, on dit dans les prédictions de Teotihuacan, enfin, moi je connais des Olmecs, on dit, des Mayas, voilà, calendrier Maya, qui est en réalité un calendrier olmèque, on dit que le soleil va exploser, que la Terre sera brûlée. Or, 2012, ben, finalement, on était là, ça s'est très bien passé. Eh bien, pas tant que ça, puisqu'en fait, à partir de 2012, des vibrations du Soleil ont changé, envoyant une électricité très différente sur la planète Terre et amenant les vibrations à s'élever. À tel point qu'aujourd'hui, nous tournons à plus de 100 Hz. 100 Hz au lieu de 7,83. Ce qui est Je veux dire que de 7,83, on monte à 10 ou 12, c'est déjà de la pure science-fiction. Aujourd'hui, on est à 100 Hz. 100 Hz avec un refus total d'évoluer, de devenir de plus en plus intelligent. Et là, on va vers un désastre total. Total. Toute transformation qui n'est pas suivie intelligemment, c'est un chaos total. Par exemple, quand j'apprends aux gens déjà à être végétariens, je leur dis dans le végétarisme, il y a deux étapes. La première étape, c'est d'arrêter de manger de la viande. La deuxième étape, c'est d'apprendre à ne manger correctement. Parce que si vous mangez que des pâtes et de la purée pour économiser de l'argent, vous allez être très malade. Donc, il faut s'adapter à la transformation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, si vous êtes végétarien, vous êtes malade. Si vous appelez végétarien d'être puritovore et patovore, évidemment, vous allez tomber malade. Mais si vous mangez correctement, plus de vitamines, ainsi de suite, vous dépensez beaucoup moins d'argent que d'acheter la viande, vous mangez des choses naturelles, mais il faut s'adapter au végétarisme et encore plus au véganisme, c'est clair. On ne peut pas changer comme ça. Nous, actuellement, nous sommes dans une vibration terrestre qui a considérablement changé, mais il y avait des gens qui sont de plus en plus débiles, de plus en plus limités, de plus en plus fanatiques sur la télécratie et la webcratie. Alors, on avance encore plus vers le désastre et vers l'insulte contre Gaïa, contre Pachamama. Notre système humanitaire ne peut que s'écrouler par le système financier qui est un chaos total, la violence, la guerre, la pollution. Et en plus, la Terre, elle va commencer à pas apprécier du tout et elle va vraiment se mettre en colère. Et là, ben c'est sûr que vous, poursuivant le système de la planète, des valeurs de la planète ou des non-valeurs de la planète, je te nique et je t'encule et je me prends un maximum. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils vont tous faire la même chose. Ça va faire très mal. Une guerre civile sans argent, sans pouvoir, sans autorité, ça va être terrible. Terrible. Terrible puisque chacun cherchera à massacrer l'autre. Et la seule possibilité de survie, c'est la fraternité. C'est pourquoi je dis, si vous êtes intelligent, si vous êtes capable de comprendre qu'il est temps de réagir, n'hésitez pas de me contacter. Je ne vais pas mentir, on n'a rien. J'ai absolument rien. Parce que, y a quelques personnes qui travaillent avec moi et qui voyagent avec moi de temps en temps, mais ils sont 3, 4, 5, après ils partent, ils reviennent. Je n'ai pas un groupe où je pourrais dire, nous avons suffisamment de pouvoir, de fraternité, de solidarité pour avoir une chance bien supérieure aux autres de survivre. Non. Mais peut-être que ça pourrait arriver. Ces dernières années, j'ai passé mon temps à visiter des groupes, parce que je ne veux pas être le chef. Donc des fraternités, des groupes, et partout, partout, c'est le système de pouvoir, c'est le système de chantage, c'est le système. Alors pour comprendre encore plus cette chose-là, il faut encore toucher deux autres aspects. Le premier aspect, c'est un aspect d'extraterrestre. En étant très déçu par certaines choses que j'ai découvertes sur Maître Amram, j'ai complètement quitté la spiritualité pendant un certain temps. Je me suis tourné en travaillant pour différents gouvernements et j'ai appris des choses absolument extraordinaires. J'ai vécu des choses extraordinaires par rapport aux extraterrestres. Chose que je n'ai pas encore beaucoup exposée maintenant, mais j'ai décidé de commencer à l'exposer sur mon canal aussi en faisant un autre sujet par rapport aux extraterrestres. Donc ça va être publié ou c'est déjà publié ou ça va être publié en même temps que ce chapitre, plus ou moins. Et en faisant tout ce travail, ben j'ai découvert la même chose, la même stupidité, la même débilité, la même irresponsabilité. J'ai été payé pour détruire des choses qui ne devaient pas être en accès aux humains de façon à ce que Aucun humain n'ait la moindre possibilité d'avoir accès à des connaissances qui lui permettraient de s'éveiller et de contrôler son évolution. Chose contre laquelle je me suis rebellé, ce qui fait aussi que je suis devenu un monstre, un diable qui mérite la prison. Je suis pédophile, monstrueux, diabolique. Je mange les enfants et les rats, et ainsi de suite. Et j'ai découvert des choses. Dans les choses que j'ai découvertes, c'est que les planètes extraterrestres à haute civilisation, qui sont capables de venir nous rendre visite et de nous observer, ne veulent pas détruire notre civilisation, même si nous allons vers la destruction. Donc, ils vont nous empêcher, ils se sont intéressés à nous depuis les bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki, qui étaient des monstruosités, puisque les Japonais avaient déjà abandonné la guerre avant, et ça, encore une fois, c'est caché. Donc Hiroshima et Nagasaki ont existé uniquement pour démontrer le pouvoir de notre merveilleux peuple américain. Et depuis lors, les extraterrestres s'intéressent et empêchent les guerres nucléaires. Plusieurs fois, nous avons essayé de faire des choses et les extraterrestres sont intervenus en diminuant ou en contrôlant directement les bombes atomiques et en les rendant totalement impuissantes par une technologie qui les dépasse totalement. Donc, dans la responsabilité de non-ingérence, qui est leur philosophie, si nous utilisons les bombes atomiques, ils ont le droit d'intervenir, puisque là, c'est la fin de tout. Et les maîtres du monde le savent, parce qu'ils ont été en contact de façon positive et négative avec certains extraterrestres. Donc, ils ont développé un autre plan, qui est le plan de la stupidité, que j'ai expliqué préalablement, pour rendre les humains totalement débiles. Jusqu'à ce que les humains soient les premiers à réclamer un gouvernement mondial à cause d'une guerre civile terrible. Puis ensuite, le gouvernement mondial pourra avoir un contrat ouvert avec certains extraterrestres moins positifs qui contrôleront la planète Terre totalement à travers un gouvernement mondial qui vous contrôlera totalement. Échec et mat. Donc au lieu de créer une guerre atomique qu'ils ne peuvent pas gérer, eh bien, il crée une guerre de stupidité, de débilité. Et si nous réclamons le gouvernement mondial, si nous réclamons la soumission, alors dans la politique de non-ingérence, les extraterrestres qui veulent nous aider ne pourront pas nous aider. On est mal, on est mal, on est mal. Et pour ceci, la chose à comprendre, c'est que un groupe. Les extraterrestres sont énormément tournés, j'ai découvert ça, vers une pensée globale. Par exemple, moi au début, quand j'ai découvert qu'en 1954, certains extraterrestres ont parlé avec les gouvernements américains, russes, moi j'ai dit, mais on m'a rien demandé à moi. Bon, j'étais pas là, de toute façon, hein, mais on n'a pas demandé aux citoyens. Et pour les extraterrestres, ils disent, vous avez choisi vos présidents, vous avez choisi votre système, ne vous en plaignez pas. Il y a un système de globalité, de conscience globale qui est très très importante chez tous les extraterrestres. En tout cas, ceux qui ont évolué positivement. Qui ne sont pas dans un système de hiérarchie, mais dans un système de démocratie totale où chacun a sa voix. Et nos gouvernements, nous les avons voulu. Notre système, nous l'acceptons. Donc, c'est notre responsabilité. Toutefois, si on réussit à un moment à être 30 ou 40, et à se comporter différemment et à affronter différemment certains événements qui vont arriver, alors, puisque nous manifestons une pensée de groupe, il est fort probable que si la Terre agonise, certaines personnes seront emmenées pour vivre ailleurs. Et vous allez dire, attends, attends, attends, Ichila, qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Tu es en train de me dire que les gentils extraterrestres, ils vont venir nous sauver? Ouais, en gros, c'est ça. Si on présente quelque chose qui a cette valeur-là, mais t'es complètement débile, il dit, bah ouais, mais toi t'es encore plus débile, parce que si tu crois qu'il y a un avenir dans l'humanité que nous avons actuellement, bah t'es 10 fois plus débile que Eiji. Donc je suis d'accord que le coup d'être sauvé par les extraterrestres, c'est léger, hein, c'est léger, je suis d'accord. Mais le coup de survivre sur cette planète, c'est 10 fois plus léger, 100 fois plus léger, parce que tout est joué. Et si vous avez un peu d'expérience, que vous avez cherché à discuter avec des gens, vous voyez parfaitement aujourd'hui qu'on ne peut plus discuter avec les gens. C'est terminé. C'est fini. Si on dit la moindre chose qui contredit le plan national mondial d'Internet et de la télévision, on est moins que de la merde. Et si vous observez ça un petit peu, ben vous dites, effectivement, là, on est mal. L'enseignement du maître Peter Donov, c'est un enseignement samouraï. C'est un enseignement samouraï. Hein. La vie était difficile, il fallait travailler dur. Le lever de soleil, c'était à 3 heures de marche du camp de base. Il fallait marcher la nuit, tous les matins, et ainsi de suite. Il y a une voie de perfection, de non-compassion par rapport à mes défauts, et ainsi de suite. On doit être intransigeant par rapport à son cheminement. Ça n'a rien à voir avec les New Age. Hein. Rien à voir. C'est très samouraï. Malheureusement, je ne suis pas en contact avec la Bulgarie, même si je suis allé, parce que j'ai découvert que les élèves de Bulgarie sont devenus des fanatiques, qui ont figé l'enseignement du maître Peter Donov, comme les catholiques ont figé l'enseignement de la Bible. Et évidemment, ça ne mène à rien, encore une fois. Combien difficile il est d'emmener les humains vers la liberté lumineuse. Alors, quand on voit cette transformation des vibrations, des résonances de Schumann, il est très intéressant de savoir que nous avons pu enregistrer, d'une façon tout à fait officielle, deux vaisseaux d'une taille proche de la planète Terre, qui se sont approchés du Soleil, qui ont développé un espèce de plasma gigantesque, un courant entre eux et leur vaisseau, leur planète, sachant qu'en étant si proches, ils auraient dû être réduits en cendres en quelques fractions de seconde. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et les gens qui ont vu ça, il y a pas mal d'années, ont dit ils font le plein. Ils utilisent un espèce de plasma solaire pour voyager, ils font le plein. Ce qui était logique comme conclusion. Sauf que depuis que ces deux choses se sont passées, la résonance magnétique du Soleil a totalement changé avec les résonances de Schumann qui sont accélérées. Donc en fait, on peut imaginer autre chose. Ils sont venus pour nous aider, et pour nous aider, ils ont injecté quelque chose dans le Soleil, c'est très différent, qui change la vibration solaire et qui a changé la transformation qui a provoqué cette transformation des résonances de Schumann dans notre biosphère, de façon à nous obliger à évoluer. Le protocole, c'est de nous obliger à évoluer sans nous annihiler. S'ils débarquent au-dessus de Paris, au-dessus de New York, c'est terminé. On sera tellement éberlués par leur pouvoir, par leur manifestation, qu'on niera totalement notre existence et notre société, et qu'on les copiera totalement. Donc, on ne s'auto-détruira pas, mais on n'existera plus, parce que notre culture sera totalement effacée par leur culture. Or, ce que les extraterrestres veulent, c'est que nous gardions notre culture spécifique à notre planète, tout en évoluant vers un courant d'intelligence. Donc toujours des manifestations comme les crop circles qui vous obligent à bouger, comme les résonances de Schumann qui vous obligent à bouger, comme les apparitions dans le ciel qui vous obligent à bouger, mais pas la preuve absolue qui vous oblige de nier votre culture nationale pour vous tourner vers une culture extraterrestre qui annihilera totalement votre culture nationale, quelle que soit leur douceur et leur pédagogie. Donc ici, tout se rejoint, les extraterrestres, la prédiction du maître Peter Donov, et ces résonances de Schumann qui s'accélèrent, comme les gens sont totalement contrôlés et refusent de surfer sur ça, alors c'est une bombe à retardement. L'argent est une bombe à retardement, le pouvoir, la hiérarchie est une bombe à retardement, la télécratie et la webcratie est une bombe à retardement, et le changement des vibrations est une bombe à retardement. Et je ne crois pas sincèrement qu'il y ait une porte de sortie pour la masse. Je crois que des choses terribles vont arriver. Quand est-ce qu'elles vont arriver ? Nous sommes en 2018 et d'après moi, le potentiel que cela puisse arriver commence en septembre 2018, c'est-à-dire maintenant. Et d'après mes calculs, Ce sont des calculs où j'additionne tout par rapport au champ vibratoire, par rapport à l'argent, par rapport à l'évolution et l'involution de l'intelligence et l'évolution des résonances, et ainsi de suite. Je dirais au maximum 2022-2023. Et là, je suis très très optimiste. À mon avis, ça arrivera avant. Donc, on est dans le caca, les petits cœurs, franchement. Quand j'ai commencé à travailler avec mes guides, on doit toucher un aspect spirituel aussi, évidemment. J'ai cherché à connaître le nom, et le nom fut Ophim. Ophim, ça veut dire les boulangers. Et quand on regarde l'enseignement du pain, hein, tel que la panurythmie, qui est basée sur pan, qui est l'origine du mot pain, panneau, pané, ainsi de suite, qui est ce symbole que la connaissance est liée au pain, qui faisait partie de l'enseignement de Jésus-Christ, qui a dit mangez ce pain car il est ma chair. Donc, le fait que les guides qui ne sont pas un, qui n'est pas un guide, mais qui est un groupe de guides, sont soit mes guides, ceux qui me parlent à moi directement, Ophim, les boulangers. En sachant que l'enseignement du maître Pété Donoff traduit en français, ça fait partie de petites revues qui s'appellent Les Grains de Blé. En sachant que les Crop Circles, qui enseignent toute la sagesse et la présence des extraterrestres d'une façon homéopathique, ça se fait dans le blé avec lequel on fait le pain. Ophim, Ophim. Cette sagesse que nous devons acquérir, ce pain divin que nous devons acquérir. Mais il y a d'autres choses que l'on peut comprendre. Si l'on prend l'arbre séphirotique, l'arbre de vie, dans Hokma, Hokma, ça veut dire la sagesse. C'est-à-dire le contraire de tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent. Non pas ces débilités contrôlées par le pouvoir et l'argent, mais la sagesse divine, Hokma, avec Ia. Ia, Ia, c'est la conscience divine, le contact avec cette conscience divine. Et une chose très importante à savoir, c'est que dans pas mal de langues, après, la dégénérescence, ça a été de mettre Ia à la fin d'un mot pour marquer la possession. Je prendrais quelque chose de très très simple dans une vieille langue, Kato, qui veut dire un chat. Et Katia, Katia veut dire mon chat, mon chat. Donc Ia à la fin veut dire, comme on a en espagnol, en italien, et ainsi de suite, Mia, Mia, la mia mamma, par exemple. Il faut savoir que l'ange, la lumière Ia de Hokma, de la sagesse, ne veut pas dire posséder. Si je dis Katia, cela veut dire c'est mon chat. Mais ça veut dire aussi tout ce qu'il fait, j'en suis responsable. S'il a besoin d'aide, je suis là. Ce n'est pas la manifestation de posséder, mais c'est la manifestation d'être responsable. Qui, avec la dégénérescence de notre société, est devenu ça m'appartient. Non, ça ne m'appartient pas, je suis responsable. S'il y a quoi que ce soit qui arrive, venez me chercher. S'il y a un problème, j'en suis responsable. Sa nourriture, j'en suis responsable. C'est très différent de l'évolution de société qui a fini par tourner ça comme ça m'appartient. IA veut dire, grosso modo, comme Pachamama. Je suis en contact avec le divin, je comprends le divin, je vibre au divin et je suis responsable de l'humanité. Seulement voilà, si ce que je protège, ce que je nourris, ce que j'éduque me crache dessus et ainsi de suite, il y a un moment où le IA peut se fâcher. Et puis il y a les anges de Hokma, de la sagesse divine. C'est presque tout en haut de l'arbre séphirotique. Et c'est les anges s'appellent Ophanim. Oh, c'est rigolo. Ophim, Ophanim. Il y a juste un raccourci au milieu, presque comme si il y avait un petit surnom sympa, quoi. Un raccourci. Alors, Ophanim, si vous cherchez sur le dictionnaire, vous verrez, ça veut dire bicyclette. Vous dites quoi? Bicyclette, je comprends pas. Et en fait, c'est simplement parce que ophana, ça veut dire roue, une roue. Ophanim, les roues, c'est donc, ça peut être résumé par bicyclette. Parce qu'effectivement, sur une bicyclette, il y a au moins deux roues, des fois même plus. Ophanim, ça veut dire les roues de la sagesse, les roues de la réincarnation, les roues d'une planète, du cosmos, les roues des chakras qui sont en nous. Chakra, ça veut dire roue, c'est la même chose. Parce que tout est géré par ce cercle qui peut se tourner à notre avantage ou à notre désavantage. Cela fait partie de la sagesse de Hokma. Et si l'on ne comprend pas ça, notre roue se tournera en tourbillon diabolique, destructeur. Et là où nous allons actuellement, il ne reste plus rien. Plus aucune forme de dialogue, d'échange, d'éducation, d'avoir le pouvoir, hein, quand on parle de la roue du karma, je fais quelque chose et après je vais affronter ce que j'ai créé. Non pas en subissant, mais en agissant contre les choses que j'ai nourries négativement précédemment dans le passé. La roue de la réincarnation, la roue des chakras, ce sont des roues de pouvoir pour agir vers le bien, vers la lumière, vers l'évolution, vers l'amour divin, vers la roue supérieure du cosmos, de l'infini. Hokma, la sagesse. Ia, les frères responsable de la planète. Il y a longtemps, il y avait sur la planète Terre des humains très dégénérés. Et nous allons dire que par intervention extraterrestre, mais il y a très très longtemps, une autre race a été créée qu'on a appelée la famille de Ia. Non pas parce qu'ils venaient posséder la planète Terre, mais parce qu'ils venaient être responsables de la planète Terre. On les appelle aussi les enfants de Dieu, en opposition aux humains qui sont les enfants des hommes. Et la famille de Ia s'est incarnée sur Terre il y a très longtemps, en grand nombre, même minorité devant la planète Terre, mais quand même en grand nombre, pour éduquer les humains. Mais le contrôle de la stupidité, des superstitions, des religions et de toutes ces choses décadentes ont amené les IA à se faire massacrer, à se faire brûler sur le bûcher, à se faire couper en morceaux, à se faire. Et aujourd'hui, ces IA sont encore sur Terre. Mais ces IA sont devenus schizophrènes, paranoïaques, parce qu'ils ont appris au fond d'eux-mêmes, parler, être différent, c'est se faire couper en morceaux, c'est être brûlé sur le bûcher. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui maintenant. J'ai été mis en prison, j'ai été torturé, j'ai perdu mes yeux, simplement parce que j'étais coupable d'aider et d'être différent. Ah oui, aussi parce que j'étais le gourou d'une secte horrible où les gens étaient torturés, fouettés, massacrés. J'ai même torturé deux personnes dans ma cave. Ouais. Sauf qu'on n'a jamais trouvé les deux personnes et que j'avais même pas de cave. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est de répéter les insultes. C'est de répéter l'esprit négatif. Eh oui. Donc la seule chose, et je ne le nie pas, dans laquelle j'étais tout à fait coupable, c'est que j'ai mis une gifle. Quand je mets une gifle sévère, franchement, hein. Donc c'était une bonne gifle. Et pour ça, j'ai été condamné à 1 an de prison. Maintenant, quand je me renseigne sur des choses qui se sont passées dans le passé, hein. J'ai entendu par exemple il n'y a pas longtemps un médecin qui a fait 3 tentatives d'escroquerie à l'assurance vie, qui a fini par se faire choper et il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Moi, une gifle, 5 ans de prison ferme. Donc finalement, j'ai refait le procès, j'ai. Bon. Quand j'étais capturé parce que j'aidais des réfugiés dans un pays, et finalement j'étais condamné à 1 an. Quand même 1 an de torture. De torture. Je n'avais rien à bouffer, on me donnait très peu d'insuline, donc mon corps a tellement souffert qu'il a totalement explosé. On rigole pas, hein. C'est pas un jeu, c'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. De la vie de ce monde. Il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir. Je suis un être libre. Mon corps est un outil que j'utilise pour vous parler, pour agir, pour protéger des gens. Mais si protéger des gens aujourd'hui, ce n'est plus que protéger de la racaille qui trompe et qui ment, alors peut-être que mes actions sont devenues inutiles. Et s'il n'y a pas de regroupement vers quelque chose qui puisse exister au-devant des carnages dans le vent vers lesquels nous allons, alors il est peut-être juste temps pour moi de quitter mon corps physique. Ce qui n'est pas la mort, c'est une autre vie dans une autre dimension. Et laisser les humains stupides derrière endurer ce qu'ils doivent endurer. Il n'y a pas longtemps, j'ai aidé une fille, Ava, qui est une fille africaine, qui était vraiment dans un gros caca. Et donc on l'a aidée, on lui a donné 200 euros, on lui a donné une maison, on lui a donné un abri, on lui a donné. Elle nous a donné un doigt. She gave us a finger. Ça a donné un doigt, elle dit, allez vous faire enculer. Une fois qu'elle avait tout ça, alors rien à foutre. Rien à foutre. Et, mais c'est normal, c'est la situation du monde aujourd'hui. Mais si agir pour le bien maintenant, ça n'est plus que pour agir pour des êtres diaboliques, alors pourquoi garder un corps physique pour protéger des gens qui ne font que nourrir le système diabolique de cette planète? Et à un petit moment, il y a aussi deux personnes qui voulaient absolument me rencontrer. Donc, je les ai accueillis chez moi. Ils étaient très chaotiques, ils sont arrivés en retard, ils sont. Et ils m'ont expliqué qu'ils voulaient ouvrir une école de magnétisme où ils promettaient aux gens de pouvoir guérir les cancers, etc., etc. Et ils sont arrivés les deux puits à la cigarette. Donc, je leur disais, ils mangent de la viande. Donc, je leur disais, bah, déjà, avant de guérir les cancers, on va essayer de travailler sur des choses de base, quoi. Et le fait que j'ai parlé de ces choses-là, ça les a rendus fous furieux. Parce que moi, ce que je veux, c'est le pouvoir, c'est la reconnaissance. Et il y en a un des deux qui était libre. Et je devais faire un voyage au Portugal avec tout un groupe. Je dis, bah, si tu veux, tu viens. Hein. T'as rien à payer. T'es le bienvenu. Enfin, si, tu paieras ta part du camping. On va pas payer pour toi. Mais t'as rien à payer d'être avec nous. Et je lui dis, je te préviens, à un moment, on s'arrête dans un camping nudiste pendant 2 ou 3 jours. Alors il m'a dit, ah non, non, non, non, ça je peux pas. Ça, c'est pas possible. Donc le mec qui veut soigner les cancers, mais il est tellement limité dans son esprit que même à poil dans un camping nudiste, c'est trop pour lui. Alors je dis, bah écoute, quand on sera dans le camping nudiste, il y a un camping juste à côté, il n'y a aucun problème. Tu passes 2 jours dans le camping d'à côté, on se verra de temps en temps sur la plage, et puis comme ça, t'as pas à être à poil. Moi, je respecte tes limitations. Je suis pas d'accord, mais je respecte. Hein. Je veux dire, tant pis pour toi. Et il a commencé à se fâcher et il a fini par envoyer des lettres en disant que je voulais mettre à poil devant des gamins. Il a parlé de sa maison en disant je suis obligé d'arrêter Edgy qui veut se mettre à poil devant les gamins de la maison. Ce ne sont pas ses gamins, mais des gamins de la maison. Les gens sont tellement terrorisés, tellement limités, tellement débilisés par tout ce qu'ils reçoivent, qu'ils sont prêts à tout transformer, à tout changer, à tout tourner d'une façon ou d'une autre. Mais je ne suis même pas en colère contre ces pauvres mecs. C'est des braves types, complètement. Mais ils sont pris dans un piège délirant de terreur, de mensonges, de manipulation de société. Alors, si on essaye de mettre une échelle sur tout ça, hein, si on fait une échelle de 0 à 100, 100 étant le plus difficile et 0 le plus facile. Devenir illuminé, comme Jésus, devenir un Jésus-Christos, quelqu'un de oint par son propre liquide intérieur, ses propres huiles intérieures, c'est du niveau 97, 98. Hein. Soigner les cancers par le magnétisme, à mon avis, c'est du niveau, je sais pas, 60. Et se mettre à poil, c'est du niveau 1 ou 2. Plus manger de viande et plus fumer, plus manger de viande, c'est du niveau 1 ou 2. Pas fumer, c'est du niveau 0,2. C'est du bon sens de comprendre ces choses-là. Eh bien non. Dans notre société d'aujourd'hui, on doit être à genoux devant des incohérences débiles. Évidemment, nous sommes les méchants. Je suis pédophile et je voulais mettre à poil devant ces gamins. Bien entendu. Et les gens sont totalement persuadés, hein, parce qu'après, un des deux mecs, il a même envoyé un message que j'ai effacé honnêtement sur mon canal en disant toute personne qui veut recevoir toute la conversation qu'on a eue ensemble et ainsi de suite, je vous l'envoie pour démontrer que je suis un méchant, que je suis un monstre, et ainsi de suite. Or, quand ils sont venus chez moi, je les ai invités à manger, on a parlé une bonne partie de la nuit, je ne leur ai pas demandé un euro. Ils ont dormi chez moi, etc. Ils n'ont pas de sous. Je les ai accueillis comme deux frères. Et après, j'ai évité, j'ai effacé. Pourquoi est-ce que j'ai effacé? J'ai rien à cacher. Mais j'ai pas envie de lancer des débats stériles, de débiles, pour dire que je voulais me mettre à poil devant ces gamins. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça m'intéresse pas. J'ai d'autres choses à faire. Franchement, j'ai d'autres choses à faire. C'est tellement stérile, c'est tellement ridicule. Tellement ridicule. Comme je l'expliquais précédemment, le bon fin veut m'attaquer en justice parce que j'ai révélé des choses de Maître Omram. Et je dis, ben, si vous voulez aller en justice, on ira en justice et je deviendrai très méchant. Je passerai à la télévision, je passerai à la radio, j'exprimerai ce que la FBU fait. Si vous voulez qu'on joue à ce jeu-là, je vais jouer à ce jeu-là. Mais j'ai vraiment pas envie de m'intéresser à ça. Ça m'intéresse pas. Je parle pas pour être dans des jeux de pouvoir. Je parle pour apporter la vérité à des gens. Que les gens puissent réagir et sortir de cette folie furieuse. Donc, tous les gens du bon fin, tous les gens de Bulgarie, tous les gens un peu ouverts, ils devraient être là en disant c'est fantastique, et dit faisons quelque chose ensemble. Eh ben non. Eh bien non, parce que le contrôle de l'humanité est développé à un tel point qu'il n'y a plus d'intelligence, qu'il n'y a plus de fraternité, qu'il n'y a plus de dignité, d'esprit chevaleresque. Et sans cela, Pachamama nous rejette. Les extraterrestres n'aideront pas. Et l'évolution sera terrible. Beaucoup de morts, beaucoup de violence, et plus rien qui reste à la fin. Si ce n'est le pouvoir et la soumission. Vous devez comprendre aussi, pour finir, que le fait d'être influencé par des gens autour de vous qui pensent en débile, en webcratie, en télécratie, en débilcratie, tout ça va vous influencer. Ce sont quand on parle des neurones miroirs, hein, ce sont des neurones qui ne sont pas capables de faire la différence entre ce que vous pensez de vous-même et ce que les gens pensent autour de vous de vous-même. Donc c'est normal, vous allez vous juger en rapport avec les relations qui sont autour de vous. C'est des lois de base normales, car nous sommes des mammifères en relation avec les autres, ainsi de suite. Et être entouré par des gens qui jugent que vous êtes le diable, vous ne pouvez pas évoluer. C'est techniquement absolument impossible. Donc il est temps, aujourd'hui, aux gens de se regrouper. Je n'ai pas d'endroit, j'ai pas de... Je n'ai pas de terrain, j'ai pas de gens, j'ai pas. Je vous dis simplement que cela soit avec moi ou sans moi, si vous ne vous regroupez pas en personnes de valeur, pour que les personnes de valeur autour de vous encouragent votre valeur et que vous-même vous encouragiez la valeur des autres et que vous transcendiez votre état pour aller vers la lumière, vers l'amour, vers la fraternité, vous n'avez aucune chance. Oui, je sais, je suis en train de parler d'une secte. Mais. L'avantage, c'est que ça peut être votre secte, je m'en fous totalement. Vous voyez, je m'en fiche complètement. Ce sont des principes de pouvoir et de manipulation qui ne m'intéressent pas. Ce qui est certain, c'est que maintenant vous êtes dans une secte, la secte des gros cons. La secte des gros cons qui vous dit comment penser, quoi acheter, quoi manger, que vous êtes fantastique parce que vous êtes flexible, parce que vous êtes new age, parce que vous n'agissez pas, parce que vous connaissez les lois du karma et que l'autre doit souffrir, parce que vous, évidemment, c'est pas une loi de karma quand vous souffrez, là on devrait vous aider. C'est tellement incohérent, c'est tellement fou. C'est tellement fini. C'est fini, mes amis. La folie a été si loin, que c'est fini. Soit une révolution, et j'y crois pas beaucoup, parce que le piège est total, absolu, complet, soit c'est la fin. C'est bien triste. Mais c'était la prédiction du maître Peter de Nove. Et dans tous les détails de cette prédiction jusqu'à ce présent, les choses se sont engagées. Et grâce à ce que j'ai fait et vécu dans ma vie passée en tant que Peter de Nove et d'autres existences avant, il n'est pas de mon karma de souffrir avec les autres. Je serai avec les autres pour combattre le mal, mais je ne serai pas avec les autres pour subir le mal. Car si le mal doit vivre ici, je vivrai ailleurs. Mais je ne baisserai jamais la tête devant le mal. La vie physique est un élément de manifestation à un certain niveau, et je peux exister à un autre niveau. Soit dans le plan physique pour faire des choses lumineuses, soit dans un plan lumineux pour aider des forces lumineuses. Mais je ne m'inclinerai pas devant le mal. Dans la vie, vous avez deux choix, nous enseigne le bouddhisme. Le chemin de l'amour et le chemin de la peur. La violence, le pouvoir, la télécratie, la webcratie, la politique, les critiques, tout cela, ce sont des chemins de peur. Vous avez peur de perdre le pouvoir, vous êtes prêt à vous raccrocher à n'importe quoi pour croire en votre pseudo-pouvoir. Parce que vous avez peur. Peur et toujours peur. Jusqu'au moment où vous avez peur de mourir. Jusqu'au moment où vous mourrez et que vous êtes aussi terrorisé. Il y a l'autre chemin, qui est le chemin de l'amour. Vous faites les choses parce que vous aimez vous-même. Vous faites les choses parce que vous voulez être l'extension de vous-même, c'est-à-dire votre âme, votre intellect et votre corps devient l'extension agissante dans le plan physique de votre âme. Vous faites les choses parce que vous aimez la lumière, parce que vous aimez être en union avec les frères augustes célestes, parce que vous voulez en devenir un, parce que vous voulez être un avec la source de bonté. Ça, c'est la porte de l'amour, où vous ne craignez ni la mort, ni le pouvoir, ni le chantage, ni la prison, ni les tortures. Et l'autre, c'est le chemin de la peur. Vous exprimerez bien des pouvoirs, des violences et des mensonges pour essayer de cacher votre peur qui continuera à vous ronger de l'intérieur jusqu'à ce que vous mouriez de l'extérieur par les pouvoirs autres qui s'imposent sur vous et de l'intérieur par les pouvoirs de peur qui vous dévorent de l'intérieur. Choisissez votre porte. La porte de l'amour est une porte de plaisir. Que cela soit dans la solitude parmi les humains ou dans la fraternité parmi les humains, c'est une porte de fraternité avec la lumière. Et dans cette lumière, et par le pouvoir de cette lumière, de cette force et de cet amour, vous n'êtes jamais seul. Choisissez votre porte, choisissez votre chemin, et soyez en paix avec ça. Si certains parmi vous voulaient réagir, réagir, ce que je n'entends malheureusement pas, mais il est de mon devoir de vous l'apporter, même si je n'attends aucune réponse. N'hésitez pas à me contacter directement sur mon portable. Vous avez plein d'endroits où vous avez mon numéro de portable, donc vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp ou Telegram ou directement sur mon canal. Et si, comme je l'attends, personne ne réagit, je le comprends. Et j'en suis désolé pour le monde et pour vous tous. Mais mon chemin est vers la lumière. Je ne peux en aucune façon négocier avec l'obscur. Et si l'obscur est partout autour de ce monde, alors j'irai là où la lumière existe. Mais je ne négocierai pas avec le mal. Choisissez votre porte et vous verrez bien ce que vous y trouvez. Bonne chance.